Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunalamkia kila mmoja wenu mu jina ya Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tutasimama nje ya usomi wa neno la Mungu. Ouvrons nos Bibles dans Daniel au chapitre 9. Tafungula ma Biblia yetu Danieli sura yake ya 9. Nous lirons le verset 27. Tutasoma mshairi yake ya 27. Nous prendrons aussi Esaïe 49. Tutaweba tena Isaya 49. Dans son verset 13 à 16. Mumustari yake ya 13 na 16. Et enfin nous prendrons Romains chapitre 11. Kisha tutabeba Warumi sura yake ya 11. Dans son verset 11 à 12. Mumustari yake ya 11 na mumustari ya 12. Prions. Tutaomba. Dieu Tout-Puissant. Mungu wa uwezo yote. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Mioyo yetu inajazwa na shukurani. Pour nous avoir donné cette belle journée. J'avais utipatia siku njema. Dans laquelle nous l'avons passé en ta présence. Ile tulipitisha muwepo yako. Toi, le Dieu fidèle. Oui, Mungu mwaminifu. Le miséricordieux. Na wa rehema. Nous te prions ce soir. Tunakuomba hii magharibi. De répondre à chaque prière qui t'a été adressée ici. Ujibie kila ombi ile likuelekea hapa. Le frère et les sœurs se sont consacrés. Banduku na badada barijitolea. Parce qu'ils ont besoin de ton secours. Njuba nahitaji msaada wako. C'est pourquoi, ô Père. Njoka mana e baba. Réponds à chacun d'eux selon sa prière. Ujibie kwa kila mmoja kufatana na maombi yake. Et nous glorifierons ton nom. Na tutatukuza jina lako. Bénis ton serviteur que tu as utilisé depuis le matin. Bariki mtumishi wako ulitumia tangia asubuhi. Pour conduire la prière. Je vais kuongoza maombi. Bénis toute la congrégation. Bariki mkusanyiko yote. Sois avec nous, ô Père. Kuye nasi ye baba. Donne-nous un entendement meilleur. Utupe usikilivu mzuri. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanyue mahali ya juu ndani ya Yesu Kristo. Afin de profiter toutes les bénédictions rédemptrices du calvaire. Kusudi tufaidie mabaraka yote ya ukombozi ya Calvario. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tutasoma. Sois avec nous. Uwe nasi. Guéris les malades au milieu de nous. Tunza bagonjwa katikati yetu. Amen la paix dans les cœurs troublés. Ulete salama mumyo yenye kufurukwa. Amen la paix dans les foyers troublés. Ulete salama mumajama yenye kufurukwa. Bâti du Saint-Esprit ceux qui en cherchent. Upate ubatiza na Roho Mtakatifu wenye kuitafuta. Merci Père. Asante Baba. Parce que nous croyons que tu l'as déjà fait. Kwani tunaamini kusema unesha kuifanya. Et nous les prions avec foi. Na tunaiomba na imani. Au nom de Jésus-Christ. Munjina ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Daniel 9. Daniel sura yake ya 9. Verset 27. Mustara makumi mbiri na saba. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Atafanya agano ya nguvu na ba mingi juu ya juma moya. Et au milieu de la semaine. Na mukatikati ya juma. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Atachisha masadaka na matoleo. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables. Mwaribifu atafanya vintu vya machukizo. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mupaka pale waribifu na ile richukuliwa sawa mpango vipate kumwangukia ule wa kuharibu. Esaïe 49. Isaya makumi ine na tisa. Dans son verset 13, Mutare ya kumi na tatu. Cieux, réjouissez-vous. Mambingu furahini. Terre, soit dans l'allégresse. Ulongo kuwe katika shangwe. Montagne, éclatée en cri de joie. Milima mlalamike na fura. Car l'Éternel console son peuple. Kwani wa milele kuna fariji taifa yake. Il a pitié de ses malheureux. Ekona huruma nchu ya venye ole bache. Sion disait. Sayuni aranza kusema. L'Éternel m'abandonne. Wa milele ananyacha. Le Seigneur m'oublie. Bwana ananisahau. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Eti mwanamke anasabwaka mtoto kuna nyonyesha. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Makuta yako iku kila mara mbele ya mecho yangu. Romains au chapitre 11. Warumi sura yake ya 11. Dans les versets 11 à 12. Mstari ya 11 na 12. Je dis donc. Mina sema basi. Et c'est pour tomber qu'ils ont bronché. Et si ninju ya kuanguka bari pata kotola. Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi lorsqu'ils se convertiront tous? Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Depuis hier, nous avons parlé de la récapitulation. Tangia jana tulianza kusemea yule ya kurudiria mahubiri. Si les choses que nous avons déjà dites. Yule ya vitu tunaisha kusema. Sur les 70 années de Jérémie. Yule ya miaka 70 ya Yeremia. Et les 70 semaines de Daniel. Na majuma 70 ya Danieli. Nous avons parcouru ce qui a été déjà dit. Jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui devait être tranché. À la 69e semaine de Daniel. Et pour terminer hier, nous avons dit. La mort de Jésus-Christ en l'an 33. À l'accomplissement de la 69e semaine de Daniel. Mutimilifu wa majuma makumi ya juma ya kumi na makumi sita na tisa ya Danieli. A eu trois conséquences, trois grandes conséquences. Ilikuwa na matokeo tatu ya munene. Nous avons montré que la première conséquence, les 70 semaines de Daniel, qui traite du plan du salut d'Israël, furent interrompues à la 69e semaine. Deuxième conséquence, matokeo ya pili, Israël rejeta son Messie. Israeli akakatala masia wake. Et troisième conséquence, na matokeo ya tatu, le salut est allé vers le païen. Okovu ilielekea sasa bapagano. C'est là où nous avons essayé d'insister pour dire, jo pale tulipenda na kukutia mkazo na kusema, malgré que le salut est allé vers le païen, ijapokuwa wokovu ilienda kwa pagano, nous ne devons pas oublier atupashi kusabu que Dieu a une alliance éternelle avec Israël. Ya kwamba Mungu yuko na agano ya milele na Israeli. Après que le temps des nations soit accompli, kisha wakati ya mataifa kumalizika, Dieu sera obligé de retourner à Israël, Mungu atalazimishwa kurudia ku Israeli, pour achever la 70e semaine. Dieu a kumaliza ile juma ya makumi ya mwisho ya makumi saba. Ile dans les 70 semaines de Daniel. Ile ilibakia mu majuma makumi saba ya Danieli. Est-ce que l'église me suit là derrière? Esi kanisa kule ku mkongo muna shikia? Est-ce que vous suivez là au fond? Esi ku mkongo mukuna shikia? OK. Ils peuvent approcher. Ceux qui sont au fond là, qui ne suivent pas, ils peuvent. Et compléter les places qui sont ici. La pluie doit faire son travail. Nous l'avons recherché depuis longtemps pour nos champs. Dieu aussi fait son travail. Et ce que Dieu fait dans nos âmes, c'est ce qui est plus important, parce que cela est attaché à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avons lu ici, Dieu ne peut pas oublier Israël. Mungu hawezi kusahau Israeli. Peu importe son régime momentané, ijapokuwa kukataliwa kwa Israeli kwa muda kidogo, Dieu sera obligé, après le salut des nations, de retourner encore vers Israël pour achever la dernière semaine qui était restée aux 70 semaines de Daniel. Entre les 69 semaines de Daniel, katikati ya majuma makumi tisa na makumi sita na tisa ya Danieli, et la 70e semaine de Daniel, na ile juma ya makumi saba ya Danieli, c'est au milieu là que se trouve le salut des nations. Ni mukatikati mule njomu kunapatikana wokovu ya mataifa, qui est contenu dans les sept âges de l'église, dans les tableaux qu'on vous a distribués. Pour ceux qui n'ont pas reçu, ce n'est pas grave, On est en train d'imprimer. Beko na zidisha yo. Ah, chacun de nous aura une copie. Kila mmoja atapata. Vous regardez là où nous avons mentionné la croix. Mwangalie pale tulieka msalaba. Pour montrer la mort de Christ. Jua konesha lufu ya Kristo. Et vous remarquerez immédiatement après la mort de Christ. Na mutaona kisha lufu ya Kristo. Qui est le Messie loin ou les conducteurs. Il y a maintenant l'entrée en scène de cet âge de l'Église pour le salut des nations. Et vous verrez que dans l'âge de l'Odyssée à la fin, il y a la flèche rouge qui montre l'enlèvement de l'épouse. Juste après l'enlèvement de l'épouse, il y a une période qui est divisée en deux, qui typifie la dernière semaine ou la 70e semaine de Daniel, qui fut interrompue à la mort de Jésus-Christ. C'est ainsi que je venais de dire, entre les 69 semaines de Daniel et la 70e semaine de Daniel se trouve le salut des nations qui est contenu dans les 7 âges de l'Église. Et les 7 âges de l'Église sur lesquels nous avons déjà parlé longuement, les bandes se trouvent encore entre vos mains, qui se trouvent à partir du chapitre 2, chapitre 3 de l'Apocalypse, et dans le chapitre 6 au verset 1 jusqu'au verset 7, dans ce chapitre dans lequel on traite les sceaux, on n'a jamais parlé des sceaux, mais on en parle sporadiquement. Quand le temps viendra, on parlera de ces sceaux. Mais dans le chapitre 6 d'Apocalypse, dans son verset 1 à 7, il y a les quatre premiers sceaux qui sont liés à l'Apocalypse chapitre 1, 2, 3. Dans lesquels on traite les saluts de nations. Et vous savez qu'après qu'Israël ait rejeté son Messie, dans Apocalypse chapitre 4, comme nous l'avions déjà montré dans les jours passés et dans les âges de l'Église, dans son verset 1, il est parlé de l'enlèvement de l'épouse. Mais l'Apocalypse 6, 1 à 7, dans lesquels on traite les âges de l'Église, il y a quatre gardiens du trône de la grâce. Parce que les 7 âges de l'Église vizazi saba ya kanisa sont couverts de la grâce de Dieu wenye kufunikwa na neema ya Mungu jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur salut mpaka pale watapokea wokovu yao avant que le salut retourne chez les nations mbele ya wokovu kurudia kwa Israeli. Quand vous lisez Apocalypse 6, 1 à 7, wakati mnasoma Ufunuo sura ya 6 kuanzia vous y trouverez les gardiens du trône de la grâce. Mtakuta bachungaji ya kiti ya neema. Le premier est le lion. Wa kwanza ni simba. Le second est le veau. Wa pili ni ngombe mtoto wa ngombe. Le troisième c'est l'homme. Wa tatu ni mtu. Le quatrième c'est l'aigle. Wa nne ni tai. Et ces quatre êtres vivants, na hivi umbe ai ine, ceux qui gardaient le trône de Dieu. Maintenant, quand vous passez dans le chapitre 5 d'Apocalypse, wakati munaenda musura yake ya tano ya Ufunuo, vous remarquerez que le livre était scellé. Utaona kusema kitabu kilitiwa muhuri. Ou ce livre qui était scellé dans le chapitre 5 d'Apocalypse. Ah oui, kitabu kilitiwa muhuri mu sura ya 5 ya Ufunuo. Est ouvert au chapitre 10 de l'Apocalypse. Inafunuliwa mu sura ya 10 ya Ufunuo. Et les nations na mataifa seront sauvées pendant ce sept ans de l'église. Itaokolewa kadiri ya vizazi sawa ya kanisa. Où la parole de Dieu est bien protégée. Mule neno la Mungu ni kukingwa mzuri. Et dans les sept ans de l'église, comme vous le savez, na vizazi sawa ya kanisa paka vile mnaijua. Le premier âge c'est d'Éphèse. Vizazi kia kwanza ni kia Éphèso. Le deuxième âge c'est Smyrne. Vizazi kia pili Smyrne. Le troisième c'est Pergame. Le quatrième c'est Thyatire. Le cinquième c'est Sardes. Le sixième c'est Philadelphie. Le septième c'est l'âge de la Odyssée dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de parler longuement sur les âges. Parce qu'un enseignement a déjà été donné là-dessus. Et pour aller un peu plus vite, nous allons seulement à la 70e semaine de Daniel. Après l'enlèvement de l'épouse des nations, c'est à ce moment-là que la 70e semaine, dans la prophétie de Daniel 9, commencera maintenant à s'appliquer. Ni mwile wakati njo juma ya mwisho ya majuma makumi saba ya Danieli yenye kupatikana munabii itaanza kutimizwa. En d'autres termes, kusema kwingine, la 70e semaine de Daniel, ile juma ya mwisho ya majuma makumi saba ya Danieli, qui était resté en 9 semaines, ile, Daniel, ile ilibakia kumajuma majuma sita 69 semaines de Daniel makumi sita na tisa ya ile ilibakia pour faire la totalité des 70 semaines de Daniel juu ya kuenesha majuma ikuye majuma makumi saba ya Danieli commence avec l'enlèvement de l'épouse inaanza na kunyanyuliwa kwa bibi harusi. Et vous devez savoir que la dernière semaine que nous appelons la 70e semaine est divisée en deux parties. La première partie est une partie de paix qui fait 3 ans et demi. Et la deuxième partie, c'est la partie des troubles qui fait aussi 3 ans et demi. Dans Daniel 9 au verset 27 où nous avons lu, l'ange a dit à Daniel, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. L'alliance est faite pour une semaine. Mais au milieu de la semaine, l'Antichrist fera cesser le sacrifice et l'offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Ça vous devez le retenir. Donc la dernière semaine qui est divisée en deux, une partie qui traite de la paix et la seconde qui traite le trouble. Dans la première partie qui traite de la paix, quand l'église est enlevée, Dieu retourne maintenant à Israël pour son salut. Aujourd'hui, Jérusalem est disputée entre trois groupes. La Bible dit, Il c'est l'Antichrist. Atafanya, ule atafanya ni mupinga Kristo. Une alliance avec plusieurs pour une semaine. Agano ya nguvu mujuma moya na bamingi. L'Antichrist fera une alliance avec beaucoup de pays. Mupinga Kristo atafanya agano na mainchi mingi. Mais Satan vise particulièrement Israël. Lakini shetani yake fukuzio yake ni Israeli. Israël a un statut particulier. Israël eko na ali yake ya upeke. C'est pourquoi aujourd'hui, Jo kwa maana leo, comme je le disais ici, Ravle miranza usema hapa, Jérusalem. Jérusalem est la seule ville au monde Jo muji tu peke mudunia qui est disputé entre trois groupes. Il y a plusieurs villes dans le monde entier, de très grandes villes dans le monde entier, mais qui ne créent pas de polémiques, qui ne créent pas de conflits. Mais il n'y a que Jérusalem qui est un sujet à problème. Et nous avons trois groupes qui se disputent Jérusalem. Nous avons le premier groupe. Ce sont les Juifs. Les Juifs réclament Jérusalem comme la capitale éternelle d'Israël. Et cela est la vérité incontestable. C'est vrai. Les Juifs sont les enfants d'Abraham par Isaac. Dans la Genèse au chapitre 21. Mwanzo sura yake ya makumi mbiri na moja. Suivez-moi très bien. Nifate mzuri. La Genèse au chapitre 21. Mwanzo sura yake ya makumi mbiri na moja. Dans son verset 9. Mumustari yake ya tisa. Jusqu'au verset 12. Mais moi je lis seulement le verset 12 pour aller un peu plus vite. Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, que cela ne déplaise pas à tes pieds, à tes yeux. Il chikose kukufurahisha kumacho yako. À cause de l'enfant et de ta servante. Juu ya mtoto na kijakazi wako. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Umupatie Sarah ile yote atakulomba. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. À partir d'Isaac, Abraham a eu une postérité propre. Et tous les enfants d'Abraham dans la chair, depuis l'Ancien Testament, ont toujours eu la capitale, ont toujours eu comme capitale Jérusalem. C'est incontestable. Parce que Jérusalem est la capitale d'Israël depuis David, depuis Salomon, depuis... Il y a eu beaucoup de rois qui se sont succédés. Elle n'a jamais été la capitale de notre pays. Non. Et les Juifs na ont raison et devant Dieu, et devant les hommes, et devant les Écritures, de réclamer Jérusalem comme leur capitale. Deuxièmement, il y a les musulmans qui viennent d'Ismaël. Ismaël est l'enfant d'Abraham par sa servante Agar l'Égyptienne. Agar wa kumistri. C'est une postérité impropre. Ni uzao ila ina mualali. Dans toute l'histoire de la Bible, aucun enfant d'Abraham, aucun enfant d'Ismaël, de la descendance d'Ismaël, n'a jamais eu Jérusalem comme sa capitale. Et pourtant, ils sont enfants d'Abraham dans la chair. Lorsque nous prenons toujours la Genèse chapitre 21, là où nous avons lu, dans son verset 13, Dieu dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Car il est ta postérité. Vous voyez, Ismaël est la postérité impropre c'est une postérité impropre. Ni uzao yashipokuya mu mukizazi safi. Ah. D'Abraham. Ya Ibrahim. Dieu dit Abraham. Mungu anamwambia Ibrahim. C'est d'Isaac. Asini tokea Isaka. Que sortira utatokea, ta postérité uzao wako, qui te sera propre. Ile itakuwa yako ya kizazi yako. Pas d'Ismaël. Hapana tokea Ismaeli. Mais pour Ismaël, je ferai aussi. Voyez le terme que Dieu utilise. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Car il est ta postérité. Parce que c'est une postérité impropre. Dieu continue au verset 17, il dit, vous pouvez continuer avec les restes dans la lecture. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Uku na nini Agar? Ne crains point. Apana kogopa. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi. Prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. C'est cette écriture que les musulmans utilisent pour dire que nous aussi, nous sommes postérité d'Abraham et nous avons le droit sur Jérusalem. Et pourtant cela n'est pas ainsi. Les musulmans ont beaucoup de villes saintes. Vous voyez? Mais ils n'ont pas Jérusalem comme leur ville sainte. Ils veulent Jérusalem, c'est par provocation. Israël n'a qu'une seule capitale. Mais ils ont beaucoup de villes saintes. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Mais ils réclament encore l'unique ville sainte pour Israël. Par méchanceté, par provocation. Maintenant, nous les chrétiens aussi, nous sommes fils d'Abraham, c'est par Jésus-Christ. Dans la Genèse au chapitre 22, dans son verset 18, Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. La postérité dont Dieu promet à Abraham dans la Genèse 22 verset 18, ce n'est pas Isaac. Aina Isaac. Non. Apana. La postérité maintenant, sasa, dont Dieu promet à Abraham, Ibrahimu, dans laquelle toutes les nations de la terre seront bénies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates au chapitre 3. Galatia sura ya tatu. Galates au chapitre 3. Galatia sura yake ya tatu. Dans son verset 8. Amnani, et nous allons sauter pour lire encore le verset 16. Tena mustari yake ya 16. Et son verset 29. Na mustari yake ya 12. Galates au chapitre 3. Galatia sura yake ya tatu. Dans son verset 8, nous lisons. Mustari yake ya 8 tunasoma. Aussi l'écriture. Prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, mnaona, dans son verset 16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit, et aux descendants ou aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais, lakini, comme il s'agit d'une seule. Ni mambo ya uzao moya, et à ta descendance. Wako, c'est-à-dire kusema, à Christ. Kwa Christo, vous voyez. Mnaona, ce sont ces trois groupes. Ni mankunji tatu, qui réclament a le droit sur la ville de Jérusalem. Il y a les Juifs par Isaac. Il y a les musulmans par Ismaël. Il Il y a les chrétiens. Peut-être pour être encore plus précis. Il y a les faux chrétiens qui réclament Jérusalem. Parce que l'époux de Jésus-Christ ne réclame pas Jérusalem terrestre. L'époux de Jésus-Christ lui combat pour la Jérusalem céleste. L'époux de Jésus-Christ n'a pas d'héritage dans la Jérusalem terrestre. La Jérusalem terrestre est pour les enfants d'Isaac. Vous voyez, les enfants d'Abraham dans la chair. Israël. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Mais nous, en tant que nation, que Dieu a racheté par Christ, nous sommes devenus la semence royale d'Abraham. Nous n'avons pas part à la Jérusalem terrestre. Notre part est dans la Jérusalem céleste. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, comme nous parlons d'une manière générale, nous disons que ce sont les chrétiens qui réclament Jérusalem. Ce ne sont pas les véritables chrétiens. Ce sont les faux chrétiens catholiques. Ce sont les catholiques qui réclament le droit sur Jérusalem terrestre. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Je pense jusque là nous sommes ensemble. Jusque là nous sommes ensemble. Nous pouvons évoluer. Vous voyez? Maintenant. Après l'enlèvement, ces trois groupes vont s'entendre pour une union. Afin que Jérusalem soit pour eux tous. Ces trois religions. Le judaïsme, l'islam et le faux christianisme finiront par s'entendre après l'enlèvement de l'épouse pour que Jérusalem soit leur ville sainte pour eux tous. Et à ce moment-là, la ville de Jérusalem aura un statut international. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ce sont les choses qui sont se passées après l'enlèvement de l'épouse. Et quand cet accord sera conclu entre les trois parties, c'est à ce moment-là que les Juifs auront le droit de bâtir le temple à Jérusalem pour adorer de la manière à la manière de l'Ancien Testament selon la loi de Moïse. Je reprends cela. Après que ces trois groupes se soient convenus sur Jérusalem, pour qu'elle appartienne à ces trois groupes, et Jérusalem aura un statut international, c'est à ce moment-là qu'Israël, les Juifs, auront le droit de rebâtir le temple à Jérusalem. Batakuwa na halali ya kujengulula hekalu ku Yerusalema. Pour adorer à la manière de l'Ancien Testament selon la loi de Moïse. L'église est avec moi. Suivez-moi très bien. Après le départ de l'épouse. Quand la 70e semaine de Daniel commence, wakati ile juma ya mwisho ya majuma makumi saba ya Daniel inaanza, pendant cette période de la paix, mwile wakati ya salama, notez cela, upate kuishika, premièrement, kwanza, l'antichrist, mupinga Kristo, le pape, pendant cette première partie de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, pendant laquelle il y a la paix, l'Antichrist n'exercera pas toute sa domination absolue sur toute la terre. Aishita tumia utawalo wake au mamlaka yake yote yulu ya dunia mzima. Je reprends cela. Mina rudiriri hapo. Après l'enlèvement de l'épouse. Kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi. L'antichrist. Mupinga Kristo. Le pape, pendant la première partie de la 70e semaine de Daniel, kipande ya kwanza kia juma ya mwisho ya majuma makumi saba ya Danieli, cette partie de paix, kipande ya salama, n'exercera pas toute sa domination absolu sur toute la terre. Mupinga Kristo ashitatumia mamlaka yake mutele yulu ya dunia yote mzima. Non. Hapana. Pourquoi? Juu ya nini? C'est parce que pendant ce temps, ninju mwile wakati, il y a deux prophètes en Israël qui exercent leur ministère dans toute la puissance de Dieu pour appeler les 144 000. L'église est avec moi. Le pape, l'Antichrist, Christo, pendant ses premiers 3 ans et demi, n'exercera pas sur toute la terre yote toute domination absolue. Yake yote mutele. Pourquoi? Parce que à ce moment-là sur la terre, padunia, il y a encore deux prophètes bawiri, qui sont en Israël, qui exercent leur ministère en faveur du salut d'Israël, ya Israël, et ils exercent leur ministère dans toute puissance divine et rien, alors rien ne peut ni nuire à Israël ni nuire à ces deux prophètes, parce qu'ils accomplissent leur mission, c'est pour appeler les 144 000. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Lisons cela. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sacs Pendant 1260 jours. Kadiri ya 1260 mashiku. Quand vous prenez 1260 jours, wakati munabeba 1260 divisez jours, cela par 30, munai divisé par 30, vous aurez seulement 3 ans et demi. Mutapata miaka tatu na mienji. Ce sont les deux oliviers ni mizeituni mbili et deux chandeliers na binara mbili qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, kama mtu anapenda kufanisha vibaya, du feu sort de leur bouche moto unatoka mvinyo yabo et dévore leurs ennemis na ikuna ua baadhi yabo. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, kama mtu anapenda kubatendea vibaya, il faut qu'il soit tué de cette manière. Anapasha kuuawa mwile namna. Dans la Bible, mu Biblia, qui a fait descendre les feux ni ule alishusha moto toka mbinguni et ce feu dévora ses ennemis, c'est na, qui na ile moto ikararua badui bache ni nani, c'est qui ni nani, c'est Élie. Ni Elia. Voyez bien mes frères, naona ndiko mpeni, c'est Élie. Ni Elia. Qui après l'enlèvement kisha kunyanyuliwa, voyez, c'est Élie, ni Elia, qui avait réclamé le feu pour consumer les faux prophètes. Vous voyez bien mes frères. Regardez dans le verset 5 et dans le verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, c'est Élie, à cause du péché d'Akab, qui avait fermé pendant 3 ans le ciel pour que la pluie ne tombe pas. Vous connaissez l'histoire. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils voudront. Celui qui a changé l'eau en sang dans l'Ancien Testament, c'est Moïse. C'est pourquoi nous disons, c'est des oliviers, c'est des joints, c'est des prophètes, c'est des témoins qui viendront en Israël pendant la période de la paix, au début de la 70e semaine de Daniel, auront en eux la puissance divine et sont caractérisés par le ministère de d'Élie et de Moïse. Vous voyez bien mes frères. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui osera s'approcher d'eux jusqu'à la fin de leur ministère. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. C'est dans la dernière semaine, quand vous regardez dans votre graphique, nous sommes là dans la première, la partie de la paix. Ici dans la partie de la paix, à ce moment-là, il n'y a personne qui va jouer avec Israël parce que le temps de son salut est là. Israël a besoin de la paix pour que les deux témoins exercent leur ministère et pour que les 144 000 soient appelés et soient scellés. Vous voyez. Mais après maintenant que les deux ministères aient achevé leur travail, que les deux ministères que les deux ministres s'arrêtent. Au milieu, il y a l'alliance qui sera brisée. Et après que l'alliance soit brisée, on entre maintenant dans une période de trouble qui est la dernière partie de 3 ans et demi dans la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Donc c'est dans cette dernière partie de la semaine que l'Antichrist, le pape, agira exactement comme une bête satanique. Atatenda kabisa kabisa sawa nyama mwenye kwa shetani. Vous voyez? Naona. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, mwile wakati, les deux témoins seront déjà tués. Bale bashuda bawiri batakuwa basha kuuawa. Vous voyez? Naona. Leur ministère utumishi wabo aurait déjà pris fin. Itakuwa isha umalizika. Maintenant, sasa, l'Antichrist, Mpinga Christo, le pape, pape, à ce moment-là, wakati, il ne sera plus un simple faux prophète, il sera maintenant la bête, nyama, parce que Satan shetani, viendra s'incarner kuingia, dans, en lui yake, pour qu'il soit réellement une bête satanique. Kweli kweli, nyama, c'est à ce moment-là qu'il va exercer wakati, toute sa domination sur toute la terre. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Je disais ceci. Dans la dernière partie de la semaine, de la 70e semaine de Daniel, l'Antichrist agira exactement comme une bête satanique. Mpinga Kristo atatenda kabisa kabisa sawa nyama wa shetani. Après que Satan se soit incarné en lui, isha shetani kuingia ndani yake, pendant la période de la grande tribulation, wakati ya mateso mkubwa, l'Antichrist est devenu une bête. Mpinga Kristo anakuya nyama. Il agira exactement comme cela est consigné dans les Saintes Écritures. C'est à ce moment-là que Daniel chapitre 7, dans son verset 21, Daniel chapitre 7, dans son verset 21, dans son verset 25, ça complira. Quand Satan va s'incarner dans le pape, alors qu'il deviendra la bête, il aura toute domination sur la terre. Maintenant, c'est le temps de la persécution. C'est le temps du trouble. Satan a tous les contrôles de la terre. C'est à ce moment-là que Daniel chapitre 7, verset 21, verset 25, s'accompliront. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Dans le verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre saints pendant un temps, deux temps, et la moitié d'un temps. Vous voyez comment dans l'écriture il y a de la précision. C'est exactement pendant 3 ans et demi. Un temps un temps de temps et la moitié de temps, ça fait 3 ans et demi. C'est pendant ces 3 ans et demi que l'Antichrist, devenu maintenant la bête, prononcera des paroles blasphématoires contre le Très-Haut. Il va opprimer les saints qui sont Israël. Il va espérer changer le temps et la loi. Et l'Israël sera livré entre ses mains. L'Église est avec moi. À ce temps-là aussi, ça accomplira Daniel chapitre 11, à partir du verset 36, vous pouvez même commencer jusqu'au verset 34, et vous pouvez aller jusqu'au verset 45. Moi, je lis seulement dans les versets 34 jusqu'au verset 38. Dans les temps où ils s'y comberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages s'y comberont afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre les dieux des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité de la femme, à la divinité des femmes. Il n'aura égard ni à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Vous allez lire la suite. À cette époque-là, donc le cœur d'homme lui sera ôté, un cœur animal lui sera donné, comme cela a été donné à Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4 verset 6. Vous voyez bien mes frères, donc ici vous devez comprendre correctement, il y a la première moitié de la dernière semaine où il y a la paix. À ce moment-là, l'Antichrist, le pape, n'a pas toute domination sur la terre. Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, il y a deux prophètes qui sont en Israël, qui sont en train d'exercer leur ministère sous toute la puissance de Dieu pour appeler les 144 000, et il n'y a rien qui peut les atteindre. et aucun mal ne peut leur arriver parce qu'ils ont le pouvoir de frapper quiconque voudra leur faire du mal. C'est pendant la période de la paix. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, à ce moment-là, l'Antichrist a déjà négocié la paix avec Israël. Il n'y a pas de problème. Mais au milieu de la semaine, il brise l'alliance. Et quand il brise l'alliance, c'est à ce moment-là que l'Antichrist devient maintenant une bête. L'esprit de Satan vient s'incarner dans le pape. Vous voyez, et à ce moment-là, le pape devient Satan incarné, la bête. C'est à ce moment-là que l'Antichrist, la bête, le pape, aura maintenant toute la domination sur toute la terre et sur Israël et sur les restes nations. C'est à ce moment-là que la grande tribulation commence et il agira comme réellement une bête sans aucun respect à l'égard du véritable Dieu, sans aucun respect à l'égard des saints. Vous voyez, parce qu'il sera animé de cette méchanceté satanique. Vous voyez bien mes frères, c'est à ce moment-là que la petite corne de Daniel que nous avons vu, ce roi-là, le huitième roi que nous avons vu, qui est l'Antichrist, le pape et la bête, va exercer tout son pouvoir. Oui, bien aimé frère et soeur. Et à ce moment-là, personne ne saura le résister. Il va tuer beaucoup de gens. Nous allons continuer parce que le temps est arrivé à sa fin. Alors, nous allons en profondir dimanche. Donc, nous sommes toujours dans la première semaine, donc, dans la première partie de la dernière semaine de Daniel. Donc pour résumer ce que nous avons dit aujourd'hui, chacun de nous doit comprendre qu'il y a trois groupes. Ya kwamba kuku mankunji tatu qui combattent pour Jérusalem. Il est kuna kombana njuu ya Jérusalem. Il y a Israël. Kuku Israeli. Il y a les musulmans. Kuku ba musulmans. Il y a les faux chrétiens, les catholiques. Kuku ba Christ ba bongo ba katolo. Ceux qui combattent Nibonjo, beko na kokotana pour leur appartenance à la Jérusalem terrestre. Ya kwamba na bote beko na semu mu Jérusalem ya pa dunia. Ces trois groupes Ima nkunji tatu veulent avoir un droit sur la Jérusalem terrestre. Inapenda kuya na alali yulu ya Yerusalema ya padunia. Parce qu'ils se considèrent Juvo weko na Jona kusema comme les enfants d'Abraham. Ibatoto ya Ibrahimu. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui. Jwele tunasema leo. Quand ces trois groupes wakati mankunji tatu vont s'entendre sur Jérusalem, itasikilizana juu ya Yerusalema, c'est à ce moment-là que Jérusalem aura le statut international. Ni mwile wakati Yerusalema itakuya ya ulimwengu mzima. C'est après leur entente nikisha kusikilizana kwabo que les Juifs Bayuda seront autorisés bataruhusiwa sasa de reconstruire leur temple à Jérusalem bajengulule ekalu yabo ku Yerusalema pour adorer à la manière de l'Ancien Testament juya kuabudu munamna ya agano za kale selon la loi de Moïse. Kufuatana na sheria ya Musa. Parce que jusqu'à ce soir, wani mpaka mangaribi ya leo, Israël ne reconnaît pas encore Christ. Israël yashia mutambua bado Kristo. Comme le véritable Messie. Sa Masia wa byakweli. C'est pourquoi ils combattent pour reconstruire le temple. Jokwa mana beko na jipiganisha njua kujengulula ikalu. Afin d'adorer comme dans l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, quiconque a déjà reçu Christ, il n'a plus besoin d'un temple naturel. Parce que Christ et Jésus est notre temple. Le véritable chrétien n'ont pas besoin de combattre pour le temple physique de briques et de pierres à Jérusalem. Notre temple, c'est le corps de Jésus-Christ. Et quand ils vont reconstruire le temple de Jérusalem, ils vont y adorer à la manière de l'Ancien Testament et selon la loi de Moïse. Na kufuatana na sheria ya Musa. C'est ce que vous devez retenir. Joile mnapasha kubamba. Deuxièmement. Ya pi. La dernière semaine. Ile juma ya mwisho. De Daniel. Ya majuma makumi saba ya Daniel. Que nous appelons ile tunaita la 70e semaine de Daniel. Ma juma ya mwisho kuma juma makumi saba ya Daniel. Est divisé en deux parties. Inagawanywa mu vipande viwili. La première partie de 3 ans et demi kipande ya kwanza kia miaka 3 na kipande est une partie est une partie de la paix. Ni kipande ya salama. Et la deuxième partie na kipande ya pili de la semaine de Daniel, de la dernière semaine de Daniel ya juma ya mwisho ya kumajuma makumi saba ya Danieli est une partie de troubles. Ni kipande ya fujo. Donc c'est une période de troubles. Ni kusema ni kipande ya fujo. Maintenant sasa l'antichrist mupinga Kristo qui est le pape mwenye kuya pape que Daniel 9 verset 27 Ule Danieli sura ya 9 mstari wa 25 nous a proclamé ici alitutangazia hapa devait faire une alliance avec plusieurs pour une semaine alipasha kufanya agano na ba mingi kadiri ya juma moja et au milieu de la semaine na mkatikati ya juma l'alliance devait être brisée agano ilipasha kuvunjika. Maintenant nous avons dit ceci. Sasa tulisema hivi l'antichrist, mupinga Christo, le pape, pape, dans la première partie de la semaine, mukipande ya kwanza ya juma, dans la première période de la semaine de 3 ans et demi, mukipande ya kwanza ya juma ile ya n'exercera pas ashita tumia toute sa domination absolue utawalo wake wote sur toute la terre. Yule ya dunia mzima. Pourquoi? Njoo ya nini? Parce que pendant cette période, il y a deux prophètes en Israël, Élie et Moïse, Elia na Musa, qui exercent leur ministère dans toute la puissance de Dieu pour appeler les 144 000 et pour leur seulement. Aucun mal ne peut leur arriver. Quiconque veut leur faire du mal, ils demandent ils font descendre le feu du ciel qui consume ses ennemis. Pendant cette période, même l'Antichrist tremble. Même les 10 rois du nord tremblent. Même les rois du nord tremblent. Tout le monde tremble. C'est un temps de paix où Dieu traite les saluts avec Israël. Parce qu'il faut que son peuple soit sauvé. Maintenant nous avons dit ceci. Après que l'alliance soit brisée, il y a maintenant la seconde partie et la dernière de la semaine. Maintenant Satan viendra s'incarner dans l'Antéchrist, le pape, qui deviendra réellement une bête satanique. Satan s'incarnera en personne dans le pape. Et c'est maintenant la période de la grande tribulation. C'est à ce moment-là que l'Antichrist, le pape, la bête, aura maintenant toute domination sur toute la terre. Il aura tout pouvoir sur la terre. Et à ce moment-là, il va agir sur toute la puissance, satanique, sans aucun respect au véritable Dieu, sans aucun respect au saint. Même les vierges folles ne seront pas épargnées. Et la Bible dit, comme nous l'avons lu ici, il fera ce qu'il voudra. Vous voyez, et là s'accomplit Daniel 11 dans son verset 36, Daniel 7, verset 21, verset 25, et même Daniel chapitre 8, verset 23, au verset 25. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que vous avez compris? Qui a compris? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Lèvons-nous pour la prière. Maintenant, si vous ne prêtez pas attention, vous serez en difficulté. Mais vous avez la chance parce que je fais toujours un pas en arrière pour avancer. Je le fais parce que je suis un prédicateur de la place. Et au-delà, je suis un berger. Ah, c'est pourquoi j'aimerais que tout le monde comprenne. Là où il faut insister, je vais insister. Pour ceux qui n'ont pas reçu les documents et les schémas et les dates, ne vous inquiétez pas, vous les aurez peut-être les uns dimanche, les autres la semaine prochaine. Mais nous allons privilégier ceux qui viennent pendant la semaine. C'est pourquoi c'est bien de se manifester déjà auprès des diacres. Ceux qui forment les véritables membres de cette église, ce sont ces croyants qui viennent tous les jours pendant la semaine. Dimanche, nous avons toutes sortes de croyants, des faux croyants. Mais nous avons un souci, que les nôtres comprennent les choses correctement. Et tout ce que nous pouvons écrire, nous l'écrivons à leur intention. Que Dieu vous bénisse. Prions.